La nuit dans ma vie, je me perds, me retrouve dans l'espace. L'esprit dans mes baskets, les phares aux étoiles laissent place. Sur la route de mon quotidien, je me balade. Les gyrophares me donnent le tourne, ils me rendent malade. Je crache des phases, anti-gaz qui glace le sang. Crevard, gaz, as du nouveau son en rotation. Sans la pression qui s'élève sans trêve. Sécrète des 16 et s'insère dans la compète. Discrètement dans le rap, on met la main à la pâte. 369, maladroit, finir à l'épi dans le plat. J'assaisonne de rimes, adressant fin gourmet. Saveur épicée, tout le monde à la fin goûtait. Asphyxie sec, sec, j'aspire que l'ammoniaque. Grand paranoïaque au mic, pas de dirty dans nos bacs. Ni tasse, j'en crache le sang. Nique la tendance mat, la présence pas de temps d'attente. Ici c'est cash en transe. Tu veux tester mon crew? Attention, fais gaffe, j'abale, jeu de cartes et gagne avec mon as. Tu manques d'air, t'asphyxiant, ah ça suffit mon gaz. T'achèves et laisse place, un autre son dans tes bars. Appelle-moi Schlass si je te coupe. J'ai la parole, la parade vocale, c'est paranormal si je te loupe. Addition de membres, mon crew est un nombre. Livreur de pistes musicales, on roule jusqu'à l'aube. On évolue dans ce décor matriculé. Un vécu en pack de 16, on vient articuler. Crevard, oui, mais c'est seulement pour la réussite. C'est avisé, le meilleur que moi, je t'incite. Les façades me cadrent, les murs me distraient. Ils piétinent les passages ici, les gens te distraient. Appliqué, si tu suis les lignes comme on t'édicte. Ne reviens pas sur le sens ou dans leur tête, ça se complique. 369, le matricule qui s'articule sans scrupule. Stipule, des récicules, sans calcul, plus m'agressif. Objectif lune, les particules circulent, conçues sur mesure, puis je consume comme la verdure qu'on consomme dans chaque console. 369, Crevard, gaz, as. Ouais, matriculé, c'est le décor. Décor matriculé. Hein. Ouais, ouais. C'est que le début.